إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ceci est le 11e cours des cours de Taysir al-Allam qui est l'explication de Umdat al-Ahkam, un livre de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah et une explication de Cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah ta'ala. Durant le dernier cours, on a expliqué quatre hadiths, le hadith 21 au hadith 24. Étant donné qu'il y avait quatre semaines de rupture, cela revient à prendre un hadith par semaine. On commence par le hadith de Mourir ibn Shu'bah, qui est le 21e hadith, qui se propose pour nous le réciter. Fadal Ahmed. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. أحسنت. رواه البخاري ومسلم. طيب أحسنت. Le 22e hadith, le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, qui se propose. Munir. Radiallahu anhu. فبالا وتوضأ على خفين. أحسنت. رواه البخاري ومسلم. لبن خزم حديد لحديد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تفضل أخي. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا نباء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان الناس مني فأمرت مقداد بن الأسود مقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري يغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وامدح فرجك رواه البخاري ومسلم. أحسنت. طيب لو 24e حديث كي هو حديث عباد بن تميم كي سي بروبوز حسن. نعم سليم. عن عبد الله رضي الله عنه الرجل يخير إليه أنه يجد شيئا في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أحسنت. رواه البخاري ومسلم. طيب نبدأ بالحديث 25. الحديث 25 قال المؤلف: عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله رواه البخاري ومسلم. Le 25e hadith, selon Umm Qais, la fille de Mihsan al-Asadiyah, elle raconte qu'elle a apporté un de ses fils petits qui ne mangeait pas encore la nourriture, autrement dit, qui était toujours en phase d'allaitement. Elle l'a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a fait asseoir sur son giron. Et l'enfant a uriné sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a alors demandé à ce qu'on lui apporte de l'eau. Il a arrosé son vêtement sans le laver. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans le hadith de Aïcha, la mère des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam un enfant qui a uriné sur ses vêtements, c'est-à-dire sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a alors demandé à ce qu'on lui apporte de l'eau et il a fait suivre l'eau, c'est-à-dire qu'il a mis l'eau sur l'endroit taché d'urine. Et d'après Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait suivre l'urine par de l'eau sans pour autant le laver, c'est-à-dire sans pour autant laver son vêtement. المعنى الإجمالي لسانس جنرال دو حديث. كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم لينالوا من بركته وبركة دعائه لهم، وكان صلى الله عليه وسلم من لطافته وكرم أخلاقه يستقبلهم بما جبله الله عليه من البشر والسماحة. فجاءت أم قيس بابن لها صغير يتقوت باللبن ولم يصل إلى سن التقوت بغير اللبن، فمن رحمته أجلسه في حجره الكريم، فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب ماء فرش مكان البول من ثوبه رشا، ولم يغسله غسلا. Le sens général du hadith. Les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم apportaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam leurs enfants. Ils apportaient leurs enfants au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de pouvoir bénéficier de la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de la bénédiction de ses invocations sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Car ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était béni. Son corps était béni. Tout en le prophète sallallahu alayhi wa sallam était béni, pour cela que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se battaient presque pour récupérer l'eau qu'avait utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'en mettre dessus, car c'était une eau bénie. Et également les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam récupéraient ou ne laissaient pas le crachat du prophète sallallahu alayhi wa sallam toucher terre, car c'était une salive et un crachat béni. Wakana, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa gentillesse, de par sa douceur et de par son comportement irréprochable, acceptait ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait ses enfants car Allah azza wa jal l'a créé en étant doux, gentil et attentif. Et Umm Qais, radiallahu anha, est venue avec l'un de ses enfants qui était petit et qui était nourri avec du lait uniquement. Il n'avait donc pas atteint l'âge à partir duquel l'enfant ou le nourrisson se nourrit d'autre que lait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa miséricorde, a fait asseoir ce petit sur son giron. Et le giron, en français, cela signifie la partie qu'il y a entre la ceinture et le genou lorsque la personne est assise. C'est la partie qu'il y a entre la ceinture et le genou d'une personne assise. Et cet enfant a uriné sur le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a alors demandé à ce qu'on lui apporte de l'eau. Et Avec cette eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrosé l'endroit taché de cette urine et il ne l'a pas lavé. Il s'est donc contenté, sallallahu alayhi wa sallam, d'arroser uniquement sans laver son vêtement. اختلاف العلماء, la divergence des savants. يرى طائفة من العلماء أن الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالمضح قياسا للأنثى على الذكر, وترى طائفة أخرى أنهما سواء في وجوب الغسل وعدم الاكتفاء بالمضح, وكلا الطائفتين لم تستند إلى دليل, والمضح للذكر والغسل للأنثى هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة, وهو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم, واختاره شيخنا ابن السعدي وكثير من المحققين. La divergence des savants sur ce sujet. Certains savants considèrent que le garçon comme la fille sont identiques sur le fait qu'il suffit d'arroser leur urine lorsqu'elle tache l'un de nos vêtements. Et leur preuve est l'analogie, à savoir que l'arrosage a été rapporté concernant le garçon, donc le jugement est similaire pour la fille. Et d'autres savants considèrent qu'ils sont identiques, c'est-à-dire le garçon comme la fille, sur le fait que le vêtement qu'ils auraient taché d'urine doit être lavé et qu'il ne faut pas se contenter de l'arroser. Et Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah, dit « وَكِلَ الطَّائِفَتَيْنِ لَمْ تَسْتَنِدْ إِلَى دَلِيلِ » Et ces deux avis ne sont pas soutenus par une preuve authentique et claire. وَالنَّضْحُ لِلذَّكَرِ وَالْغَسُلِ لِلْأُنْثَى. Par contre, le fait d'arroser un vêtement taché par un garçon et de laver le vêtement taché par l'urine d'une fille, et lorsque l'on dit garçon et fille, ce sont des nourrissons qui sont toujours nourris par le lait, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas encore d'autres nourritures ou que leur nourriture principale n'est pas autre que le lait. Et c'est l'avis qui est soutenu par beaucoup de hadiths authentiques et qui sont à la fois authentiques et clairs. Car un hadith peut être authentique mais ambigu. D'accord ? Il peut être authentique mais ambigu. C'est-à-dire que le hadith est authentique mais qu'il peut être interprété de différentes façons. Et c'est l'avis, c'est-à-dire le fait de différencier entre l'urine du garçon et l'urine de la fille, l'urine du garçon qui doit être arrosée et l'urine de la fille, où le vêtement taché de l'urine de la fille doit être lavé, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmad, de Ishaq, de l'Awza'i, de l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, de l'imam Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et c'est également l'avis qu'a choisi Al-Sheikh Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala, qui est, comme on l'a vu dans la biographie de Cheikh Abdullah al-Bassam, son maître et son professeur. Donc Cheikh Sa'di était le professeur de Cheikh Abdullah al-Bassam, de même que Cheikh Ibn Sa'di était le professeur de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullahu al-Jami'. Et c'est également l'avis de beaucoup d'autres savants. ما يؤخذ من الحديث, ce que l'on doit retenir du hadith. أولا نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام لشهوة. On déduit premièrement le caractère impur de l'urine du garçon ou du nourrisson, et ceci même s'il n'a pas mangé ou même s'il n'est pas nourri par de la nourriture, autrement dit, autre que du lait. Donc le fait de se contenter d'arroser l'urine du garçon ne signifie pas que cette urine est pure. Bien au contraire, elle est impure. Et on verra par la suite que il y a plusieurs façons de d'enlever ou d'éradiquer une impureté en islam. Il y a certaines impuretés qui doivent être lavées, d'autres qui doivent être arrosées, comme on vient de le voir dans ce hadith, mais il y a aussi d'autres impuretés qui, pour lesquelles il suffit qu'elles soient essuyées par la terre, ou qu'elles soient essuyées sur le sol pour considérer cette impureté éradiquée et enlevée. Donc le fait d'arroser ne signifie pas que cette urine n'est pas impure, bien au contraire, elle est impure. Thaniyan, كفاية الرش الذي لا يبلغ درجة الجريان لتطهير بول الغلام. Deuxièmement, le fait de se contenter d'un arrosage qui n'atteint pas le, qui ne fait pas couler l'eau. Donc lorsque l'on dit arroser un vêtement, c'est-à-dire de verser de l'eau sur ce vêtement de telle sorte que cette eau ne coule pas dessus. Et ceci pour purifier l'urine du garçon, du nourrisson garçon. Thalithan, أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وتواضعه الجم. Troisièmement, le rendez-vous de ce hadith, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était irréprochable et qui était immense, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » et tu es certes doté d'un comportement immense et majestueux. Et également, on dit de ce hadith, la modestie du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, qui était l'envoyé d'Allah, qui était le gouverneur des musulmans, mais cela ne l'empêchait pas de prendre les enfants, de les poser sur son giron sallallahu alayhi wa sallam, de rigoler avec eux, de plaisanter avec eux, et de ne pas s'énerver lorsque ceux-ci urinent sur ses vêtements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne réagissait pas de façon mauvaise et ne réprimandait pas ni l'enfant, ni les parents de cet enfant lorsque ceux-ci urinaient sur ses vêtements sallallahu alayhi wa sallam. Et des enfants qui ont uriné sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela arrivé, n'est pas arrivé qu'une seule fois, mais est arrivé à plusieurs reprises. Faïda. Remarque. اختلف العلماء في السبب الذي أوجب التفريق بين بول الغلام وبول الجارية وتلمس كل منهم حكمة صارت في نظره الفارقة المناسبة وأحسن هذه التلمسات أحد أمرين. Remarque. Les savants ont divergé sur la cause qui sépare ou qui différencie l'urine du garçon à celle de la fille. Et chacun de ces savants a essayé de trouver une sagesse qui, à son sens, était expliquer la différence. Et les meilleures de ces sagesses ou de ces causes qui ont été citées sont de deux sortes. الأول أن الغلام عنده حرارة غليظية زائدة على حرارة الجارية تطبخ الطعام وتلطف الفضلات الخارجة ومع هذه الحرارة الزائدة كون طعام الطفل لطيفا لأنه لبن والجارية ليس لديها الحرارة الملطفة أو الملطفة ويؤيد هذا تقييد نضح النجاسة بعدم أكل الطعام إلا اللبن. La première des raisons qui est citée est que le garçon, nourrisson, a une température intérieure supérieure à celle de la température du corps d'une jeune fille ou d'une petite fille. Et cette nourriture a un effet, ou cette température afouane a un effet sur la nourriture. Elle adoucit les résidus qui sortent du nourrisson. Contrairement à la petite fille qui, elle, n'a pas une température qui a un effet sur cette nourriture. Et lorsque l'on parle de nourriture, bien sûr, cela est restreint au lait. cela est restreint au lait. Donc c'est la première cause qui a été citée. والثاني أن الغلام عادة أرغب إلى الناس من الجارية فيكثر حمله ونقله وتباشر وتباشر نجاسته مما يسبب المشقة والحرج فسومح بتخفيف نجاسته ويؤيده ما يعرف عن الشريعة من السماح والتيسير والقاعدة العامة تقول المشقة تجلب التيسير على أن بعض العلماء جعلوه من المسائل التعبدية التي لا تعقل حكمتها والله أعلم بمراده. La deuxième des causes est que le garçon, par habitude, est plus apprécié chez les gens que la petite fille. Et ceci explique que le garçon est plus porté que la fille, et donc que son impureté, c'est-à-dire que l'impureté du petit garçon, arrive plus souvent, ce qui cause une certaine contrainte, c'est pour cela qu'il est, ou que le fait d'éradiquer cette impureté, à savoir l'urine du garçon, pour cela qu'une certaine légèreté et une certaine souplesse est existante dans la législation musulmane. Et la règle générale dit « al-mashaqqatu tajlibu al-taysir », à savoir que la contrainte amène la facilité. La contrainte amène la facilité, c'est une règle en islam qu'on expliquera, inshallah, dans un prochain livre qu'on va commencer sur les règles juridiques en islam, les règles générales. Et parmi celles-ci, la règle qui dit que la contrainte amène la facilité. À savoir que de prendre souvent un petit garçon, cela veut dire que souvent tu vas être taché. Donc cela veut dire que souvent tu devras nettoyer cette impureté. Si à chaque fois tu devais laver ton vêtement, ceci serait une contrainte. Ainsi l'islam est venu avec une souplesse sur ce cas bien précis. Et d'autres savants disent que cela ne peut être expliqué et que nous devons adorer Allah comme nous l'en a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et nous ne connaissons pas la raison qui vient différencier entre l'urine du garçon et l'urine de la petite fille, et Allah Azza wa Jal est plus connaisseur de toutes choses. Et concernant le deuxième point, cela est beaucoup moins répandu à notre époque. Et à notre époque, on dirait presque le contraire. À savoir que lorsque l'on voit une petite fille et un petit garçon, on a plus tendance à prendre la petite fille que le petit garçon. Donc certains savants ont répondu à cette deuxième cause citée et ont dit que cela n'est pas vrai à notre époque et que c'est même plutôt le contraire. طيب يقول المؤلف الحديث السادس والعشرون le 26e hadith. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه رواه البخاري ومسلم. Le 26e hadith. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit qu'un bédouin est venu et a uriné dans un coin de la mosquée. Les gens l'ont alors réprimandé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interdits ou leur a interdit, c'est-à-dire de le réprimander. Lorsqu'il a terminé d'uriner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné qu'on apporte un récipient d'eau et qu'on le renverse dessus, c'est-à-dire sur l'endroit de la mosquée taché par l'urine de ce bédouin. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-Hadith, les termes qui méritent explication dans le Hadith. Arabi, bifath al-Hamza, nisbatun ila al-A'rab, wa hum sukkan al-Badiya, wa qad ja'at al-nisbatu fihi ila al-jam' dun al-wahid. Arabi, qui signifie un bédouin. Cela revient au terme arabe en arabe qui signifie les bédouins. Ce sont ceux qui habitent dans les campagnes et dans les contrées retirées. Et al-nisba, c'est-à-dire qu'en arabe, al-arab, c'est un nom pluriel. Et lorsque l'on parle du singulier, on dit arabi. Autrement dit, il a la même racine que le pluriel. Ce nom arabi bédouin a la même constitution qu'il soit singulier ou au pluriel. Thaniyan fi ta'ifati al-masjid fi nahiyati al-masjid. Fi ta'ifati al-masjid, c'est-à-dire dans un coin de la mosquée. Troisièmement, fa zajarahu an-nas. Troisièmement, les gens l'ont réprimandé, c'est-à-dire qu'ils ont exprimé leur mécontentement, qu'ils se sont levés vers sa direction pour l'empêcher de faire ce qu'il faisait. Rabi'an, bizanoub min ma, bifath al-dhal al-mu'jama, ad-dalu al-mal'a ma'an, wa la tusamma dhanuban illa idha kana fihi ma'. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite ordonné qu'on apporte un récipient d'eau. Et al-zanoub en arabe signifie un récipient et il ne peut être appelé zanoub que s'il contient de l'eau. Il ne peut être appelé zanoub que s'il contient de l'eau. Donc si tu dis à quelqu'un apporte-moi itini bi zanoub, cela veut dire apporte-moi un récipient qui contient de l'eau. فأغريق عليه أصله أغريق عليه أبدلت الهمزة هاء فصار فهريق ثم زيدت همزة أخرى فصار فأغريق وهو بسكون الهاء مبني للمجهول. Ensuite, le Cheikh Abdullah Al-Assam explique le terme أغريق et il explique que la base est أغريق puis الهمزة a été changée en هاء puis on a rajouté une hamza, ceci pour faciliter sa prononciation. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. Min 'adat al-a'rab al-jafaa wal-jahl libu'dihim 'an ta'allum ma anzala Allah 'ala rasulihi. Fabaynama kana an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam fi ashabihi fi al-masjid an-nabawi إذ جاء أعرابي وبال في أحد جوانب المسجد ظنا منه أنه كالفلاح فعظم فعله على الصحابة لعظم حرمة المساجد فنهروه في أثناء بوله ولكن صاحب الخلق الكريم الذي بعث بالتبشير والتيسير ولما يعلمه من حال الأعراب نهاهم عن زجره لئلا يلوث بقعا كثيرا من المسجد ولئلا يصيبه الضرر بقطع بوله عليه وليكون أدعى لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يطهروا مكان بوله بصب دلو من ماء عليه. Le sens général du hadith fait partie des habitudes des bédouins. La dureté, la sévérité, la rudesse et l'ignorance. Pour cela que le professeur Asselam a déconseillé d'habiter dans les campagnes. Le professeur Asselam a dit « Man bada jafa »« Waman ittaba'a sayda ghafal » Le professeur Asselam a dit « Man bada jafa » C'est-à-dire que celui qui habite dans la campagne, celui qui habite dans des contrées éloignées, qui n'est pas proche des villes et des citadins, eh bien cela va avoir une influence sur son caractère et il va devenir rude, il va devenir dur, il va devenir sévère. Et les faits qui sont arrivés au temps du prophète sallam, dans lequel le prophète sallam a eu affaire à des bédouins, se caractérisaient toujours par une sévérité de ceux-ci. Un bédouin a même attrapé le prophète sallam par sa cape. Il lui a dit, donne-moi de ce qu'Allah t'a donné. Donne-moi de ce qu'Allah t'a donné. Les compagnons, en voyant cela, ont rougi de colère. Car pour eux, c'est un manque de respect immense que de tirer le professeur Hassan par sa cape et surtout pour lui demander de lui donner de ce qu'Allah lui a donné. Mais le prophète, alayhi salam, comme le dira le cheikh par la suite, connaissait le caractère des gens et le prophète, alayhi salatu wassalam, réagissait de façon différente en fonction des personnes qu'il avait en face de lui. Et Allah Azza wa Jalla a même dit dans le Coran, الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدار أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله, que les bédouins sont les plus durs dans la mécréance et dans l'hypocrisie, et ceci, c'est-à-dire le fait d'être bédouin, est plus propice à être ignorant des limites qu'Allah a décrété à son envoyé sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Entre autres, cette dureté et cette sévérité s'expliquent aussi par l'ignorance. Car celui qui est éloigné de toute ville, eh bien, il n'a pas la possibilité d'apprendre sa religion. Donc, parmi les habitudes des bédouins, est qu'ils sont durs et sévères et qu'ils sont ignorants. Et ceci s'explique par leur éloignement des enseignements qu'Allah Azza wa Jal a descendu à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie de ses compagnons dans la mosquée prophétique de Médine, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bédouin est venu et a uriné dans un coin de la mosquée, en pensant que c'était comme un terrain vague. Ce bédouin n'a pas fait cela pour humilier la mosquée, mais non, il a vu un endroit de sable qui était libre, il pensait que c'était comme tout autre endroit, car au temps du professeur Asselin, il priait sur le sol même, il n'y avait pas de tapis, et la preuve est que lorsqu'il pleuvait, les fronts des compagnons du professeur Asselin étaient pleins de boue. Et en voyant cela, les compagnons du professeur Hassan se sont énervés, car ils connaissent le caractère sacré d'une mosquée et le respect que l'on doit à cet endroit. Ils l'ont alors réprimandé pendant qu'il urinait. Ils sont partis le voir pour le réprimander, pour lui dire d'arrêter, alors qu'il était en train de faire son acte. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est doté d'un comportement majestueux comme on l'a vu précédemment, et qui a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle et pour faciliter sallallahu alayhi wa sallam, et de par sa connaissance du caractère des bédouins, il a interdit à ses compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de réprimander cet homme, de peur qu'il ne tâche un endroit plus vaste de la mosquée. Car un homme que tu réprimandes pendant qu'il urine, il risque de se retourner ou il risque de bouger pendant qu'il fait cet acte, et donc il risque de tâcher un endroit plus grand encore de la mosquée. Et également, le professeur Asselam leur a interdit de le réprimander de peur de... Car s'il s'arrête d'uriner alors qu'il en a besoin, ceci peut provoquer des maladies, et ceci peut être préjudiciable le concernant. Mais aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de le réprimander afin qu'il puisse accepter le conseil que lui dirigera le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois qu'il aura terminé cet acte. Puis, lorsqu'il a terminé, le prophète sallam a ordonné à ses compagnons de nettoyer l'endroit taché par l'urine en versant un récipient d'eau par-dessus. C'est le sens général du hadith. Ma yukhadhu min al-hadith, ce que l'on doit retenir du hadith. Awalan, inna al-bawl 'ala al-ardi yutahhiruhu bi-ghamrihi bil-ma, yutahhar bi-ghamrihi bil-ma. ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله. Premièrement, que l'urine qui est sur la terre ou qui est présent sur le sol se nettoie en versant de l'eau dessus, et il n'est pas obligatoire ou il ne fait pas partie des conditions de la purification de ce sol taché par l'urine de transporter sa terre ou son sable vers d'autres endroits. ثانياً احترام المساجد وتطهيرها وتطهيرها. Deuxièmement, on dit de ce hadith le respect que l'on doit avoir vis-à-vis des mosquées qui sont les endroits les plus préférés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également de les purifier, de les nettoyer. Thalithan, samahatu khuluqun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faqad arshada al-a'rabiyu bi rifqin walilin ba'dama bala mimma ja'alahu yaqul Allahumma arhamni wa muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Troisièmement, on déduit également le comportement extraordinaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a conseillé ce bédouin par la suite avec gentillesse et douceur, après que celui-ci ait uriné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a eu pour conséquence que ce bédouin ait dit, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ait dirigé ses conseils précieux, « Oh Allah, rentre-moi dans ta miséricorde, moi et Muhammad, et ne fais rentrer personne d'autre. » Comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Et que lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Non ? Tu as dit vrai ? Tu as restreint une chose immense. Tu as restreint une chose immense qui est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, bu'du nazarihi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatuhu li taba'i'i an-nas. Quatrièmement, on déduit ce hadith la vivacité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le recul qu'il a. Le professeur Hassan avait un recul, c'est-à-dire que lorsqu'il voyait une situation, il réagissait face à celle-ci en prenant du recul et en étudiant et en analysant les points négatifs et les points positifs, les aspects bons et les aspects mauvais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait aussi les conséquences. Et également, on déduit la parfaite connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam du caractère des gens et de la nature de ceux-ci. Et celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala doit aussi connaître le tempérament des gens. Lorsque tu t'adresses à un jeune, tu ne t'adresses pas comme tu t'adresses à un vieux. Et dans certains pays, les gens sont connus pour avoir un tempérament bien précis. Certains sont nerveux, d'autres sont plus doux. Donc, celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala doit connaître un minimum dans le tempérament des gens. Et avant de, par exemple, donner un cours dans une mosquée ou une conférence, demander aux personnes qui fréquentent cette mosquée comment sont les gens, y a-t-il des soucis, y a-t-il des problèmes, y a-t-il des personnes qui sont plus dures que d'autres, etc., pour pouvoir faire face à ces différents aléas. Khamisan, عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها، فقد تركه يكمل بوله يكمل بوله لأجل ما يترتب من الأضرار بقطعه عليه. Cinquièmement, lorsque des choses néfastes se bousculent, eh bien, l'on doit faire celle qui a le moins d'effets néfastes. Le professeur Asselin a laissé ce bédouin terminer d'uriner, car le fait de l'en empêcher aurait été beaucoup plus néfaste que de le laisser terminer. Et on a vu les causes qu'a cité Cheikh Al-Bassam. Qu'est-ce qui aurait été plus néfaste? C'est le fait de l'en empêcher. Car si les compagnons, ou si le professeur Al-Sallam avait laissé les compagnons empêcher ce bédouin d'uriner, il aurait uriné dans un endroit plus vaste de la mosquée. Ensuite, non, cela aurait été préjudiciable pour lui, mais aussi, il n'aurait pas accepté le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que de le laisser uriner, il urine, on verse un récipient d'eau par-dessus et l'histoire est finie. Sadisan, inna al-bu'da 'anil nas wal-mudun yusabbibu al-jafa'a wal-jahl. Sixièmement, le fait de s'éloigner des gens et des villes cause la dureté, la sévérité et l'ignorance. Et cela rejoint le hadith que l'on a cité tout à l'heure, Man Bada Jafar, qui est un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad et qui a été authentifié par Cheikh l'Albani, rahimahullah ta'ala. Sabi'an, al-rifqu bita'lim il-jahil. Septièmement, la gentillesse et la douceur dans l'enseignement de l'ignorant. Que c'est la base. Lorsque tu enseignes à un ignorant, c'est de l'enseigner de façon douce et de façon gentille. C'est clair pour ce hadith ? Al-hadith ou sabi'u al-ishroum. Le 27e hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط رواه البخاري ومسلم. Le 27e hadith. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, il dit j'ai entendu l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم dire le sens inné est de 5. Al-khitan, la circoncision. Al-istihdad, qui est le fait de se raser le pubis. Qassu sharib, de se tailler la moustache, de se couper les ongles et de s'épiler les aisselles. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. يذكر أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس خصال من دين الإسلام الذي فطر الله الناس عليه فمن أتى بها فقد قام بخصال عظام من الدين الحنيف وهذه الخمس المذكورة في هذا الحديث من جملة النظافة التي أتى بها الإسلام. Le sens général, Abu Huraira radiallahu anhu, rapporte qu'il a entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, citer 5 caractéristiques qui font partie de la religion musulmane, qu'Allah azzawajal a considéré comme étant inné chez l'être humain. Celui qui fait ces 5 choses citées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a alors accompli des choses immenses de cette religion majestueuse. Et ces 5 choses citées font partie des moyens de purification que l'islam nous a enseigné. أولاها قطع قلفة الذكر التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح. Premièrement, de couper le prépuce du pénis, qui, lorsqu'il reste, c'est-à-dire ce prépuce, qui est ce capuchon de chair, qui, lorsqu'il reste, eh bien, accumule des impuretés et des saletés qui sont les causes de maladies et de blessures. ثانيها حلق الشعور التي حول الفرج سواء أكان قبلا أم دبرا لأن بقاءها في مكانها يجعلها معرضة للتلوث بالنجاسات وربما أخلت بالطهارة الشرعية. Deuxièmement, raser les poils qui sont autour de l'organe génital, qu'ils soient devant ou derrière, car le fait que ces poils restent là où ils sont, permet ou facilite la saleté ou l'accumulation des impuretés sur ceci. Et dans certains cas, cela peut même remettre en cause la purification juridique, à savoir at-taharatu shar'iyya, qui est le fait d'être pur, la pureté qui est nécessaire ou qui conditionne la validité de la prière. وثالثها قص الشارب الذي بقاؤه يسبب تشويه الخلقة ويكره الشراب بعد صاحبه وهو من التشبه بالمجوس. La troisième de ces caractéristiques, c'est de se tailler la moustache, qui, lorsqu'elle est laissée pousser, eh bien, falsifie et allédit l'apparence. Une personne qui laisse sa moustache pousser et laisse une longue moustache, cela le rend laid. Et également, cela va faire détester le fait de boire sur son récipient après lui. Parce que tu vois une personne boire d'un récipient, par exemple dans une assise où il y a un seul récipient qui fait le tour de l'assise, si celui qui te précède a une longue moustache et tu vois sa moustache plongée dans l'eau que tu vas boire par la suite, est-ce que cela te donne envie? Est-ce que cela te donne envie? Non. وَهُوَ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْمَجُوسِ. Et ceci fait partie de la ressemblance aux majus, qui sont les adorateurs du feu. وَرَابِعُهَا. La quatrième de ces caractéristiques, تَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ الَّتِي يُسَبِّبُ بَقَاؤُهَا تجمع الأوساخ فيها فتخالط الطعام فتحدث المرض وأيضا ربما منعت كمال الطهارة لسترها بعض الفرض بعض الفرض. Quatrièmement, le fait de se couper les ongles, car de laisser les ongles, eh bien, facilite l'accumulation des impuretés et des saletés. Et celle-ci, lorsque l'on mange, peuvent se mélanger à la nourriture, ce qui va être une cause de maladie. Et également, lorsque ces impuretés sont en grande quantité ou lorsque ces saletés sont nombreuses, elles peuvent également être ou compromettre la pureté ou la purification, car elles recouvreraient une partie qui doit être recouverte par l'eau. Qui doit être recouverte par l'eau. وخامسها نتف الإبط الذي يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة. Et cinquièmement, dépiler les aisselles, car de laisser les aisselles ou les poils des aisselles, eh bien, facilite l'apparition d'odeurs nauséabondes. وبالجملة فإزالة هذه الأشياء من محاسن الإسلام التي جاء بالنظافة والطهارة والتأذيب والتهذيب ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل صورة فإن النظافة من الإيمان. Et de façon générale, le fait d'enlever ces choses font partie des actes recommandés en islam. L'islam qui est venu avec la propreté, qui est venu avec la purification et qui est venu aussi avec l'éducation, afin que le musulman soit dans la meilleure posture qu'il soit, et qu'il soit également le plus présentable et le plus le plus beau dans l'apparence qu'il dégage. Et Cheikh Bassem dit فَإِنَّ النَّظَافَةَ مِنَ الْإِيمَانِ, car la propreté fait partie de la foi. Et ceci n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ en pensant que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela est faux. Ce n'est pas un hadith. Il y a d'autres des hadiths faibles où, par exemple, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبُ وَنَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةُ. Ceci est un hadith faible, comme l'a dit Cheikh l'Albani, rahimahullah ta'ala. Savoir qu'Allah est bon et il aime la bonté, cela, le sens est vrai, mais il est rapporté dans un autre hadith authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit dans ce hadith faible, et Allah est propre et il aime la propreté. Cela est vrai, mais le sens est vrai, mais d'attribuer ce hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam est faux. Ma yu'khadhu min al-hadith, ce que l'on déduit de ce hadith. أولا إن فطرة الله التي تدعو إلى كل خير إن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير وتبعد عن كل شر. Premièrement, le sens inné qu'Allah Azza wa Jal a considéré ainsi appelle à tout bien et éloigne de tout mal. Et on a vu, entre autres, que ces cinq choses qui font partie de la fitra que le professeur Hassan nous a ordonnées appellent qu'au bien et ne nous éloignent que du mal parmi les maladies et autres. Thaniyan, إن هذه الخصال الخمس الكريمة من فطرة الله التي يحبها ويأمر بها وجبل أصحاب الأذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها. Deuxièmement, que ces cinq choses citées font partie de la fitra d'Allah Azza wa Jal qu'il aime et qu'il a ordonné. Et également, ces cinq caractéristiques ou ces cinq choses à faire, eh bien, chez les personnes qui ont un discernement juste et un discernement sain, cela est présent en eux et ils s'éloignent ou ils sont exemptés de tout ce qui pourrait en être le contraire. Thalithan, inna ad-din al-islami ja'a bin-nadhafati wal-jamal wal-kamal. Troisièmement, la religion musulmane est venue avec la propreté, avec la beauté et avec la perfection. Rabi'an, mashru'iyyatu ta'ahudu hadhihi al-ashiya' wa 'adam al-ghaflati 'anha. Quatrièmement, qu'il est légiféré de faire ces choses, d'avoir l'habitude de faire ces choses et de ne pas être négligent envers celle-ci. C'est-à-dire qu'il est autorisé de les faire de façon habituelle. Il est autorisé de les faire de façon habituelle et qu'on ne doit pas être négligent envers celle-ci. Khamisan, al-adadu khamsa huna laysa hasran. Fa'inna mafhum al-adad laysa bihujja. Wa qad jaa fi sahih Muslim. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أنواع الفطرة في كل موضع ما يناسبه. Cinquièmement, le nombre de cinq qui est cité dans le hadith n'est pas restrictif, à savoir que on ne doit pas restreindre la fitra à ces cinq choses. Et la preuve est ce qui est rapporté dans le Sahih de l'Imam Muslim, où il est dit que le prophète صلى الله عليه وسلم citait ce qui faisait partie de la fitra dans chaque endroit selon ce qui était le plus approprié. Donc le professeur Asselin, en fonction des situations, disait que cela fait partie de la fitra ou que cela ne fait pas partie de la fitra. Autrement dit, que le sens inné ou les choses qui sont saines faisant partie du sens inné qu'Allah Azza wa Jal aime et qu'il a ordonné de faire ne sont pas restreints au nombre de cinq. سادسا قال ابن الحجر يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة ومخالفة شعار الكفار وامتثال أمر الشارع. انتهى كلامه رحمه الله. Sixièmement, l'imam Ibn al-Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit que ces cinq choses citées apportent des bénéfices à la fois religieux mais aussi des bénéfices mondains qui ont un rapport avec cette vie d'ici-bas. Parmi les bénéfices, c'est le fait d'embellir l'apparence, mais aussi de faire ces cinq choses permet de purifier le corps, permet aussi de préparer la purification et de sécuriser celle-ci. Car on a vu que si certains poils étaient laissés, qu'ils pouvaient être la cause de l'annulation, pourrait être un obstacle à la purification. Autrement dit, lorsque la personne ne se rase pas les poils du pubis et que après avoir fait ses besoins, eh bien, une partie de ses poils transporte ou contiennent de l'impureté qu'il aurait mal lavé, mais cette impureté existe encore. Et lorsque l'on a parlé de l'istinja, on a parlé des résidus qu'il restait, non pas de l'impureté en elle-même. Donc, lorsqu'on avait parlé de l'istijmar, à savoir le fait de nettoyer les impuretés par ou à l'aide de pierre ou de papier, que même s'il restait des résidus, que cela n'avait pas d'influence sur la purification. Mais on parle de résidus, c'est-à-dire de choses infimes qui pourraient rester. On ne parle pas de quantités petites ou grandes d'impuretés qui seraient retenues par des poils en trop grande quantité, les poils du pubis. Ceci pourrait donc remettre en cause la purification. Donc, de raser, par exemple, les poils du pubis, eh bien, cela te permet de sécuriser ta purification et de prendre tes précautions. Également, le fait de faire ces cinq choses nous permet de faire ou de ne pas faire ou de contredire l'emblème des non-musulmans ou des choses qui leur est propre, comme le fait de tailler la moustache. Cela nous permet de nous différencier des majus. Et le fait de laisser pousser la barbe nous permet de nous différencier des juifs et des chrétiens. Et dans d'autres hadiths, où le prophète Sam a cité entre autres que Al-Fitra et Fond sont en nombre de 10, et parmi celles-ci, le prophète Sam a cité le fait de laisser pousser la barbe. وامتثال أمر الشارع. Et également, parmi les bénéfices de faire ces cinq choses, c'est de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. سابعا إنما يفعله الآن الشبان والشابات من تطويل الأظافر وما يفعله الذكور من إعفاء الشوارب من الأمور الممنوعة شرعا المستقبحة عقلا وذوقا وإن الدين الإسلامي لا يأمر إلا بكل جميل ولا ينهى إلا عن كل قبيح غير أن التقليل الأعمى للفرنجة قد قلب الحقائق وحسن القبيح ونفر من الحسن ذوقا وعقلا وشرعا. Septièmement, Cheikh Al-Bassam dit, la septième chose que l'on doit retenir de ce hadith est que ce que font à l'heure actuelle des jeunes au pluriel, au masculin et au féminin, ce que font certains jeunes en laissant pousser leurs ongles, et ce que font d'autres hommes parmi les jeunes en laissant pousser leurs moustaches, font partie des choses qui sont interdites en islam et qui sont que l'on réprimande la raison et le bon goût. Et la religion musulmane n'ordonne que tout ce qui est beau et n'interdit et interdit tout ce qui est mauvais et malsain. Sauf que le fait de suivre aveuglément les habitudes occidentales a changé la réalité ou a inversé la réalité, a rendu beau le lait et a fait fuir les gens de la beauté ou de ce qui est considéré comme bon et beau, à la fois par la raison mais aussi par la religion. Donc les femmes qui se laissent pousser les ongles en considérant que celle qui aura les plus beaux ou les plus grands ongles sera celle qui aura les plus belles mains, mais ceci en islam est interdit. Et en islam, la main ou les doigts ou les ongles les plus longs sont les ongles les plus laids et les plus moches. Et il est interdit en islam de laisser pousser ses ongles plus de 40 jours. Et ceci concerne à la fois les hommes et les femmes. اختلاف العلماء اتفق العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة عدا الختان فقد اختلفوا هل هو مستحب أو واجب ومتى وقت وجوبه من عمر الإنسان وهل هو واجب على الرجال والنساء أو على الرجال فقط والصحيح من هذه الخلافات أنه واجب وأن وجوبه على الرجال دون النساء وأن وقت وجوبه عند البلوغ حينما تجب عليه الطهارة والصلاة فإذا هل الختان الشرعي هو قطع قلفلة الساترة لحشفة الذكر ويوجد في البلاد المستوحشة من يسلخون والعياذ بالله الجلد الذي يحيط بالقبل كله ويزعمون جهلا أن هذا ختان وما هذا إلا تعذيب وتمثيل ومخالفة للسنة المحمدية وهو محرم وفعله آثم وفقنا الله جميعا لاتباع شرعه الطاهر. La divergence des savants. Les savants sont d'accord sur le caractère préférentiel de toutes de ces cinq choses sauf concernant la circoncision. Concernant la circoncision, ils ont divergé sur le caractère obligatoire ou préférable de celle-ci et également quand est-ce que la circoncision doit avoir lieu et à quel âge. Et est-elle obligatoire pour les hommes comme pour les femmes ou est-elle obligatoire uniquement pour les hommes? Et Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit, et ce qui est véridique parmi toutes ces divergences, c'est que la circoncision est obligatoire et que son obligation concerne les hommes et non les femmes, et que le moment de la circoncision arrive lorsque la personne ou lorsque l'homme atteint l'âge de la puberté, lorsque la purification et la prière lui sont obligatoires. Puis il fait une remarque en disant que la circoncision religieuse, c'est-à-dire la circoncision islamique, consiste à sectionner le prépuce, comme on l'a vu, qui est un capuchon de chair ou de peau qui recouvre le pénis. Et il dit, rahimallah, que dans certains pays qu'il considère comme monstrueux, et dans certains pays monstrueux, il coupe et qu'Allah nous en préserve, ou il sectionne l'ensemble de la peau qui recouvre le pénis, en pensant, et ceci par ignorance de leur part, que ceci fait partie de la circoncision, mais ce n'est autre que des supplices et de la mutilation, et ce n'est autre qu'une contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui fait ainsi, eh bien, a commis un interdit et aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous permette tous de suivre sa religion pure. On a tafi bi hadha al-qad wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.